La nouveauté à la maison du cinéma de Sherbrooke cette semaine. Avengers, l'ère d'Ultron, de Joss Whedon, en français 3D, en anglais 3D. J'ai été conçu pour sauver le monde. Les humains contemplaient le ciel et y voyaient de l'espoir. C'est la première chose que je leur enlèverai. Il n'y a qu'un chemin vers la paix. Leur extinction. J'avais seulement l'intention de protéger le monde. Et j'ai créé quelque chose de monstrueux. L'intelligence artificielle. Ça s'appelle le programme Ultron. J'en ai assez de voir des innocents payer pour nos erreurs. C'est pas pour ça qu'on se bat, pour mettre fin à la guerre et rentrer chez nous? Eh ben, c'est une méga défaite. Ah. Nous voilà réunis. Sans rien d'autre que notre esprit et notre volonté de sauver le monde. Alors en avant, et battez-vous. On s'en tirera sûrement pas tous. Je n'ai rien de prévu de m'asseoir. Il faut toujours que je ramasse derrière vous, les gars. Nous pouvons les détruire. De l'intérieur. Tu crois vraiment que t'es le meilleur? T'aurais dû te taire. Le promeneur d'oiseaux, de Philippe Nuit, en français. Joyeux anniversaire! Père, ne restez pas là. Pourquoi vous ne venez pas? Je préfère pas entrer. Tu donneras ça à ma petite fille de ma part. Je dois aller à Paris. Si jamais vous savez pas quoi faire avec elle, peut-être que je pourrais l'emmener. Je veux pas y aller! Je te dis que je veux pas y aller! Alors la puce, on dit pas bonjour? Compartiment 6, c'est là. Non, je veux pas. C'est moi à gauche. C'est mieux de prendre l'avion. Je suis fatiguée. Grand-père, tu veux bien me parler de ma grand-mère? Elle m'a fait promettre de revenir au village avec l'oiseau qu'elle m'avait confié. Est-ce qu'elle était belle? Bien sûr qu'elle était belle. Je peux plus poser le pied. Regarde, un caillou. T'appelles ça un caillou, toi? Parce que c'est quoi pour toi? Vite, grimper! Je veux pas rentrer tout de suite. Je veux pas rentrer maintenant. Comment ça? Pourquoi pas? Depuis que je suis partie de la maison, je suis comme un oiseau. C'est comme si ma cage était ouverte. Je me suis envolée. Grand-père, laisse-moi voler encore un peu, s'il te plaît. Aussi à la maison du cinéma cette semaine, La Nouveau Sauvage, de Damien Sizifron, en espagnol avec sous-titres français. Le sel de la terre, de Julian Ribeiro Salgado et Wim Wenders, en français. La French, de Cédric Jiménez, en français. Journal d'une femme de chambre, de Benoît Jacquot, en français. Éternelle Adaline, de Little Anne Krieger, en français et en anglais. Aurélie La Flamme, Les Pieds sur Terre, de Nicolas Monette, en français. Paul Blart, Philippe Dumas 2, d'Andy Fickman, en français. Corbeau, de Mathieu Denis, en français. La Dame en Or, de Simon Curtis, en français. Le Plus Beau des Chemins, de George Tillman Jr., en français. Dangereux 7, de James Wan, en français. En route, de Tim Johnson, en français. La Passion d'Augustine, de Léa Poul, en français.